Merci, merci. Je sais que vous êtes sincère. Merci, Joe, merci. Avant de continuer, je voudrais présenter l'incroyable équipe qui m'accompagne ce soir. Je vais commencer par les choristes, deux charmantes jeunes filles. Là, vous avez Mocha, elle s'appelle Mocha. Mocha. François. Mocha, elle s'appelle. La deuxième, quelqu'un que vous connaissez très très bien au Cameroun, elle s'appelle Mocha. Elle s'appelle Nono. Voilà, bonsoir. Non. Donc vous avez Mocha, Mocha. Voilà. À la guitare. Mayo. L'un des plus grands guitaristes camerounais. Applaudissez, Mayo. À la basse. Arthur Manga, applaudissez s'il vous plaît. Au clavier, vous avez Denis Moussinga. Denis Moussinga, il s'appelle. À la batterie, Didier Pondo, applaudissez s'il vous plaît. C'est. Oui.